بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence, ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Troisième leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. فأمس أخذنا معنى التآلف والتعارف، المعنى الشرعي بخلاف ما فهم هؤلاء، يعني لا ce qu'on appelle l'alliance et l'entraide، plutôt non التآلف والتعارف. نعم التعارف كفي قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معنى تعارفوا هنا؟ pour que vous vous reconnaissiez. C'est quoi le sens qu'on avait dit؟ أيوة. Tu connais cet allié. هذا هو. Et non pas que tu connaisses lui qui il est pour discuter avec lui et ouvrir un débat. Et التآلف. التآلف. والذي ألف بين قلوبكم. وَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا قُلْ تَعَلَى qu'il a joué entre vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait des frères. مَا مَنَا تَأَلُّفُنَا l'alliance fraternelle. Et non pas celle qui veut faire comprendre le fait de cohabiter, hein, d'avoir une vie de paix, de paisibilité, bien qu'on veut tous cette vie de paix, tu vois. Mais pas avec eux. Pas avec eux. S'ils sont là, c'est où ils suivent ce à quoi s'en tient le musulman dans les règles de l'islam, ou alors ils sortent. Et si jamais, comme on a dit, l'islam est en force avec un émir ou quoi, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in fa'alu dhalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa fi haqq l'islam fa hisabuhum ala Allah ta'ala. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'a pas de divinité d'autre digne d'être adoré ce n'est Allah, ou que Mohammed est le messager d'Allah, et que s'ils font cela, ويقيموا الصلاة وتوزع الزكاة حديث ابن عمر ايوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفعلوا ذلك c'est-à-dire qu'ils font la shahada, qu'ils font la salat, qu'ils s'acquittent de la zakah, et s'ils font cela sont préservés de moi, que leur bien plutôt, leur bien et leur sang seront préservés de moi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les toucher après ça. Leur sang est illicite et leur bien sont illicites. Hormis dans des cas spécifiques, dans les droits de l'islam, comme dans les sentences, comme par exemple le fait de couper la main du voleur, comme le fait de lapider le fornicateur, comme le fait d'autres choses, quand même, car là, leur contre vient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, Adam. Dans ce moment-là, c'est autre chose. Ça, c'est des istisna'at, comme on dit, des exceptions. Mais à la base, le muslim, hein, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaykum ka yomikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Hal ballaght que certes, vos biens, vos honneurs et vos sangs sont interdits sur vous ou sacrés sur vous. Comme ce jour, c'est le jour de quoi? Arafat. En ce mois-ci, qui était le mois de Dhul-Hijja. En cette terre qui était Mecca. Amal muslim, le kafir? Non, il n'entre pas dedans. Par contre, son sang peut être illicite quand? S'il fait partie de El-Zim, qu'il impacte un accord de paix avec les musulmans. Là, non. Mais pas de la jizya. À la base, mais aujourd'hui, cela malheureusement n'est pas appliqué. Mais demain, même si un kafir il vient dans un pays d'islam avec le visa et tout et qu'il rentre en règle, tu ne le touches pas. C'est d'accord. Ah, tu ne le touches pas, tu n'as pas le droit de le toucher. Si quelqu'un s'occupe de lui, c'est le gouvernement. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe comme chose nouvelle, tu ne peux pas faire ça. Mais demain, un kafir il rentre dans le terre d'islam, tu ne peux pas, tu ne le touches pas. Même pas, tu pensais bien, rien. Il est protégé. Si tu fais ça, tu auras commis un péché, toi. Après, il va évoquer ma yata'allaqu bi at-ta'awun. Akadhalik su'al ma hukm bina' al-kana'is fi al-baladi al-islamiyya. Le fait de construire des églises ou des synagogues dans des pays islamiques, cela est interdit avec unanimité. Tout comme il est obligatoire d'expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. L'Ejtamira Fiha dit que deux religions ne peuvent s'y mélanger. Donc ensuite le chir il poursuit en disant toujours par rapport à ce verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'il. On fait de vous des peuples et des tribus. Des gens se servent de ça pour dire que l'on s'entraide entre nous. At-ta'awun. Hein? Fi nafs aya. Ils appellent au ta'awun, entre eux les communautés, l'entraide. Et que cela, pour eux, concerne tout le monde. Le muslim, le kafir, le pieux, le pervers. Tous sur terre, on doit s'entraider par rapport à ce verset. Et bien sûr, cela est un pur mensonge. Hein? Maintenant il va falloir l'expliquer par rapport à ça. Et également cela est parmi les grands péchés de cette parole là. Pourquoi ça revient à parler sur Allah sans science? Comme dans le Ta'ala قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمُ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ نَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit que mon Seigneur a seulement rendu interdit les turpitudes tant bien apparente que cachée, ainsi que le péché et l'injustice sans droit, ainsi que de lui associer, que vous lui associez ce qui n'a descendu, du moins que vous associez à Allah ce qui n'a pas descendu, ce pourquoi n'a pas descendu de preuve, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Et regarde bien, comme les ulama l'ont dit, et parmi eux Ibn Qayyim, que Allah subhanahu wa ta'ala, là est venu avec un ordre de gravité dans le péché, dans ce verset, qui est en premier les turpitudes apparentes cachées, ensuite l'injustice, sans droit, ensuite d'associer à Allah, ce qui est à la base le plus grand des péchés. Il est venu quoi en quatrième position? Le fait de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas. Donc maintenant, question. Est-ce que le fait de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas est pire que de faire du shirk? Le kalem fait tafsil. Est-ce que c'est pire que du shirk? Et les savants, ils ont réuni ce point-là pour dire que le fait, justement, le shirk n'est pas venu, c'est du fait qu'on parle sur Allah sans science. Justement. Tu comprends? Une conséquence, parmi les conséquences de parler sur Allah sans science, cela mène au shirk. Comme cela peut amener à la bid'a. Ça dépend, chacun en fonction de ses paroles. Mais le shirk n'est venu que par le fait de parler sur Allah avec ignorance. Donc c'est très grave. Cela peut avoir des conséquences très graves. Donc pour réfuter à cette parole, qui est le fait de s'entraider avec ces gens-là, de façon générale, Tout simplement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan wa ittaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Et entraidez-vous dans la piété et l'obéissance, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance et le péché, et craignez Allah, car certes Allah est dur en châtiment. Et les koufars, ils font quoi à longueur de journée? Al-bir wa taqwa ou al-ithm wa al-udwan? Qu'est-ce qu'ils font? Obéissance et piété ou péché? Et désobéissance, c'est quoi qu'ils font? Ah oui, ils font les deux. Je parle les deux derniers. Désobéissance et péché. Du simple fait qu'ils refusent l'islam. Un seul tout seul suffit. Car le kafir peut faire ce qu'il veut comme ça, d'accord, elle n'est pas acceptée. Il peut nourrir 10 000, 1 million de pauvres, 1 milliard de pauvres, toute la terre. Il peut faire des puits, il peut faire des hôpitaux, ce qu'il veut. Yom El Qiyama, c'est zéro. Juste, cela peut amener à ce que son châtiment soit moindre. Car le kafir, ils ne sont pas tous pareils. Les koufars n'auront pas tous le même châtiment. Il y a des koufars qui font moins de façade que d'autres. C'est maralouf, comme on l'a déjà parlé. Et t'en as, c'est vraiment des criminels. Est-ce que demain, on va mettre pareil, par exemple, un parrain de la mafia, Mathalen, un mafieux qui fait la corruption sur terre, qui tue, sans compter, comme il boit de l'eau, qui a de l'argent sale dans la drogue, dans le crime, dans le vol, dans le riba, ce genre de choses, et un petit paysan, par exemple, dans son coin, qui refuse d'obéir à Allah, bon, il boit son vin, sûrement, il fume ses gitanes, sûrement, ça, tu vois. Et de l'autre côté, entre lui et les gens, entre lui et la créature, il ne fait rien de mal. Tu vas trouver des koufars qui font moins de mal que d'autres, qui mentent moins que d'autres, qui ont encore des valeurs humaines, on va dire, en eux, qui n'appellent pas la fornication, n'aiment pas ça, qui n'appellent pas, qui ne tolèrent pas l'homosexualité, qui n'aiment pas le vol. Mais c'est un kafir quand même. Donc celui-là, bien entendu, son châtiment sera peut-être moins, son supplice sera moins douloureux que les autres. Mais il aura l'enfer éternellement. Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Certes, les mots hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Al-janna darajat, des niveaux en haut. Ou al-nar darakat, des niveaux mais inférieurs. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Donc tout le monde n'est pas au même endroit. Tu auras les musulmans qui auraient commis des péchés, à qui Allah veut expier leur faute avant d'entrer au paradis, qui seront dedans. Mais ils ne seront pas là-dedans éternellement. Et les koufars, pareil. Ils ne sont pas tous même d'arka dans l'enfer. Mais eux, la différence, c'est qu'ils vont rester éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit « Wadkhilou al-Firan ashad al-Azab » et rentrer les gens de Firan au pire des châtiments. « Ashad al-Azab » Firan aura le plus grand des châtiments également. Ce qui démontre que des gens auront un châtiment moindre. Tu comprends? Voyez. Donc maintenant, ces gens-là appellent au ta'awun avec les koufars, entre les peuples, shu'ub wal qaba'il. Et un ta'awun mutlaqan. De toute façon, dans l'absolu, on s'entraide avec eux. Et il a cité le verset. En quoi on s'entraide? Même entre muslimines, à la base. En quoi on s'entraide? Alal birri wa taqwa. C'est pas longtemps on s'entraide. Alors que dire? Mabaluka bi kafir. Et comme on a dit, kafir, bir wa taqwa, c'est deux mots qui leur sont inconnus, dans le sens légiféré. Bien qu'eux l'attribuent aux prêtres, aux bonnes sœurs, aux religieux, tu vois, et ce genre de choses. Mais on dit ça, cette taqwa là, c'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Fahim ta'ala? Donc ce ta'awun auquel ils appellent avec eux, il est rejeté par ce verset, entre autres. Et parmi les choses qui démontrent justement que le kafir, ses œuvres ne sont pas acceptées, quand même, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, comme Michel la cite, « ذَلِكَ بِيَنَّهُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِدْوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُ » Cela pourquoi? Du fait qu'ils ont suivi ce qui a engendré le courroux d'Allah, sa colère, qu'il a mis en colère, et qu'ils ont détesté son agrément. Donc pour cela, leurs œuvres ont été effacées, annulées. Donc leurs œuvres ne leur servent à rien. Min haythu el hasanat, ce genre de choses. Juste, cela va amoindrir certains de leurs châtiments. C'est tout. Mais ils n'ont pas de hasanat. Ils n'ont pas de hasanat. Que des sayyat. C'est bon, certains en auront moins que d'autres. C'est tout. C'est tout. Donc, toutes ces preuves amènent que l'entraide n'a lieu que dans le birr wa taqwa. Al birr wa taqwa. Comme a dit Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'una 'anil munkar. Les croyants et les croyantes sont allés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Donc comment tu t'entraides avec quelqu'un qui fait que du blâmable? En général. Le convenable, il en fait aussi, mais que pour lui. Je veux dire, il y a un, ça ne servira que pour lui pour amendrer son châtiment. Bien que des fois, des choses bien que les koufars les font, on s'en sert. Des choses qui nous servent, on ne peut pas nier. Les choses qui font les koufars qui servent aux muslimines. Mais cela ne lui rapporte pas de hasanet. Il ne faut pas qu'il dise, ouais, j'ai fait du bien, Allah va me le rendre. Ou, cher en famille, il dit qu'en fait, ils profitent de leur bien. Tu sais où? En cette dunya. C'est là qu'ils profitent de leur bien. Yom al-Qiyama, peut-être un châtiment moindre que d'autres. Mais hasanat ou quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et bien entendu, nous, on profite de ça aussi. Donc, le shir dit qu'à la base, le kafir, on ne s'entraide pas avec lui, à part dans ce qui est nécessaire. Dans ce qui est nécessaire. Et dans ce qui est inévitable, comme le commerce, la salane. Aujourd'hui, les choses avec les koufars, on est obligé de les faire. Des choses que les muslims n'ont pas, présentes que chez les koufars. Donc de là, tu entraînes avec lui, mais seulement dans les limites de la législation. Tu achètes ce qui est halal, pour en avoir un usage qui est halal. Quand même? Non. Également l'agriculture, ce genre de choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça vit des juifs, qui cultivaient dans les champs des gens de Khaybar, et en prenaient la moitié des récoltes. Là-dessus, tu peux. Mais cela n'a même pas créé des liens. C'est un commerce. C'est tout. Tu comprends? C'est un commerce. Même quelque part, tu te sers un petit peu d'eux. Allah t'a donné les biens, l'argent, et lui, il a, on va dire, la matière première, ou il a la science, ou l'expérience, tu te sers de son expérience. Et mais pour la ramener en quoi? Dans les masalih des muslimines. Pour que cela porte intérêt aux muslimines. Comme par exemple, l'armement, la salane. L'armement. Aujourd'hui, il n'est pas connu des muslims qui fabriquent des armes. Ou très peu, si jamais ça y est, très peu. Mais généralement, les pays d'islam, leurs armées sont équipées par ce que fabriquent les koufars. C'est une réalité. Les avions. D'où viennent les avions? Les chars d'assaut, d'où ils viennent? Les portes d'avion, si jamais ils en ont, d'où ils viennent? D'où ils viennent? Généralement, c'est l'Amérique, la Russie, la France, des pays comme ça, en général. À la colline, alors qu'il est, ils achètent des koufars. Et normalement, ces armes sont achetées pas pour qu'on s'entretue entre nous. On n'a pas acheté ces armes pour s'entretuer entre nous, entre muslimines. Malheureusement, tu vois que, voilà quoi, nous sommes éprouvés par notre faiblesse et par nos péchés. Tu crois que le kafir, il vend les armes pourquoi? Aux muslimines. Je crois que c'est pourquoi ils vendent des armes. Je crois que c'est pour que les muslims lancent l'attaque contre eux. Ça fait un petit peu comme les koufars qui laissent des dealers travailler dans les quartiers. Ils font genre lutte anti-drogue, lutte anti-ceci, cela. Mais ils laissent des gens, ils les connaissent très bien, les sphères. Pourquoi ça vient de façade, le déjeuner dans les quartiers? Satan les laisse faire, pour mettre des façades. Des fois comme ça, au chemin, au passage, on attrape un ou deux, trois ou quatre, histoire de dire qu'on applique nos lois, et certains les laissent. Parce qu'il faut. Peut-être même, tu crois que ces drogues, elles rentrent comment? Tu crois que s'ils veulent pas vraiment, biznillah, ils peuvent pas fermer plus de portes? Ils peuvent le faire s'ils veulent. Mais eux-mêmes, ils ont intérêt à ça. Déjà, ils en tirent un bénéfice, et deuxièmement, ça les aide un petit peu à, genre, enivrez-vous, jouez, et nous on contrôle le reste, on s'en occupe. On s'en occupe. Faites la fête, et nous on reste sérieux. Comme ça, vous ne pouvez pas monter en grade. Vous ne pouvez pas comprendre les choses. Amusez-vous. Tiens un ballon, tiens un stade de foot, tiens une piscine, tiens une salle de concert, tiens ce que tu veux. Des parcs, la nuit, vous serez dans les parcs, parcs publics, ce genre de choses. Tiens, des stages jaune et verte ou je ne sais pas quoi. Et reste à ton coin. Ne nous embête pas. Amuse-toi, prends du loisir, mais nous, on s'occupe du reste. On contrôle le pays, comme on veut. Tout ce qu'ils font, c'est pas innocent. C'est pas ce qu'ils font. Pareil, quand tu vois un musulman qui monte en grade, c'est pas pour rien. Ils savent qu'ils vont prendre. Ce imam, là, ce Tariq Obrou, là, l'imam préféré de la République. Voilà, l'imam de Bordeaux. Pourquoi, d'après toi, il est couronné par l'État? Depuis quand tu vois un kafir, il t'aime? Où t'as vu ça? Normalement, le bon musulman, le kafir, le déteste. Il a peur de lui. Toi, il t'aime, il te décore. Où t'as vu ça? Parce qu'il a appliqué la phrase qu'ils veulent, hein? Non à l'islam en France, oui à l'islam de France. Eh bien, lui, il a répondu à l'appel. Sarkozy qui avait dit ça il y a longtemps. Ou l'un d'entre eux. Donc, t'as des couples, il l'a compris. C'est ça qu'ils veulent, je vais leur donner, moi. Comme ça, je monte en grade. Un mini Kardawi en France. Tu vois, ils donnent aux koufars ce qu'ils veulent. Faut leur dire à ces gens-là, vous n'allez pas mondialiser l'islam. C'est pas ça le but, c'est le contraire. Il faut islamiser le monde. Tu vois? Mais avec les moyens légiférés. Pas d'excès, ni de négligence. Négligence comme ces gens-là, par exemple, et excès comme les Daesh ou les Qaïda qui tuent les gens pour arriver à ce qu'ils veulent. Alors quand je dis les gens, les musulmans en général. Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Si tu veux propager l'islam, fais-le avec les causes légiférées. Ne fais pas n'importe quoi. Ni en tendant la main aux mécréants et en leur cirant les chaussures, comme on dit, ni en tuant tes frères. Justement parce que, soi-disant, ils font des péchés et ne gouvernent pas parce que Allah fait descendre. Et que tous les gouvernants sont des mécréants, ce genre de choses. Donc on les tue, on égorge des gens à la télévision, on est là, à la Wakbar. Toi, c'est n'importe quoi, et toi, c'est n'importe quoi aussi. Et les deux, tu crois quoi? Ce qui est marrant, c'est que les deux, qui les contrôle d'après toi? Toi que Daesh. Daesh, là, comment ils sont? Tu crois qu'ils sont arrivés tout seuls comme ça? Daesh, les koufars qui sont derrière. Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est ce qu'ils appellent Al-Qaïda. Tu crois que c'est qui est derrière? Toi, c'est qui est derrière ces gens-là? C'est les koufars qui les poussent, qui les équipent. Et il faut style, on lutte contre eux. Et mais par derrière, tiens, vas-y, tue tes frères. Fais le façade sur terre. Tu vois? Eh ben lui c'est pareil, le Oubrou, le Kardawi, tu crois que c'est qui est derrière eux? Tout ce qu'il y a eu comme révolte comme dans le pays d'Islam, c'est qui est derrière d'après toi? Eh ben aujourd'hui ils pleurent qu'il y a plein de Syriens en France, on va les mettre, bah accueillir ceux qui les a révoltés, bah non tu vas les accueillir. Nasallallah yursil mujrimin annakum. Nasallallah yursil annakum mujrimin afsad al-nas. Vous voulez sauver le peuple syrien qui vient chez vous, mais qu'on demande à Allah qu'ils envoient les pourris chez vous, les mauvais, les pervers, les faussards. Ceux qui sont des mounafirines et qui sont en France, ils vont se façade chez vous pour vous apprendre ce que vous avez fait. Faut pas croire hein, ce qu'ils ont fait, ils vont avoir un résultat positif, ça va être négatif contre eux. Ce qu'ils ont fait là, ils vont tirer qu'un mal contre eux et le verront plus tard. Mais aujourd'hui, ils commencent déjà à pleurer. On va les mettre, ces immigrants. La guerre qu'il y a chez eux, qui l'a provoqué à la base? C'est vous qui l'avez provoqué. Donc maintenant, tu récoltes les pots cassés, comme on dit. Ils viennent chez toi. Tu dois faire croire que chez vous, c'est tout beau, luisant, propre, juste. Qu'on a tout le monde à sa chance, comme ils disent, la chance dans le sens l'opportunité d'obtenir ce que tu veux, et ben voilà. Et ben vous avez provoqué les muslimines pour faire révolte, ça va être chez vous maintenant que ça va venir. Que les plus pourris vont venir chez vous. Et chez vous, ils vont faire le façade. Naam. Donc pour en venir à ça, donc nous avons dit que le fait de s'entraider avec les koufars, cela se fait dans les limites légiférées et dans le domaine permis. Dans les domaines permis. Également parmi les choses qui appellent à réfuter cet appel à l'union des religions, de la cohabitation, de l'alliance, de la bonne entente et du bon vivre, la parole d'Allah qui est très connue, qu'on a pris souvent, qui est La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Dans le sens où Allah dirait, tu ne verras pas, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier aimer ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, qu'il s'agirait de leur père ou de leur fils ou de leur frère ou de leurs proches, cela, Allah a écrit la foi dans leur cœur, ou leur a prescrit la foi, et les a soutenus de son souffle, ou un de ses souffles, un souffle provenant de lui, on va dire, non. Il les rentrera dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Allah les agrée, ils agréent Allah, ceux-là sont le parti d'Allah, et n'est-ce pas que le parti d'Allah, ce sont eux les vainqueurs, eux qui réussiront. Hizbullah, umul muflihoun. Hizbullah, ils n'ont pas ceux-là d'Iran. Eux, c'est Hizb Shaitan. Donc après, c'était une parole d'Ibn Kathir par rapport à ce verset, qui dit Ey, manitta safa bi annahu la yuad man had Allah wa rasula, wa law kana abah ou akhah. فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته وأيدهم بروح من أي قواهم انتهى كلامه. Que celui qui, que telles sont ses caractéristiques, comme dans le verset, qui ne prend pas pour allié, qui n'aime pas ceux qui sont opposés à Allah et son messager, ne serait-ce son père ou son frère, cela Allah a écrit dans leur cœur la foi. C'est-à-dire qu'il leur a prescrit le bien-être et l'a instauré dans leur cœur et qu'il leur a embelli la foi dans sa voix, dans sa vision. C'est-à-dire qu'il les a renforcés. Donc, wahum, il les a renforcés. Intaha kalam. Ensuite également, quand l'allama Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, fil usul al-thalatha, yani thalitha, مما من الأمور التي تجب الإنسان معرفتها والعمل بهن. Il y a trois choses qui nous obligatoires de savoir. Et ça, c'est un afwan. Le muslim ou le muslima, les choses qui leur est obligatoire de savoir et d'appliquer. La troisième, c'est quoi? C'est أن من أطاع الله ورسوله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Que celui qui aura obéi au messager, qui aura unifié Allah, qui ne lui est pas permis l'alliance ou l'amour envers ceux qui seront opposés à Allah et à son messager, quand bien même il s'agirait du plus proche parent. Et le premier, c'est quoi? Mas'ala al-oula. Là, ça c'est dans la première partie. Je parle dans la même partie. On a dit Iram, Arhamakallah, Anou Yajibu, Ala Kuli Muslimin wa Muslima. معرفه او ثلاث مسائل والعمل بهن او اربع مسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم تكن حمله بل ارسلنا الينا رسولا فمن اتى رسول دخل الجنه ومن سوى دخل النار. Que Allah nous a créé, nous a octroyé la subsistance et qui nous a pas laissé sans but, errer sans but, mais plutôt nous a envoyé un messager. Celui qui l'obéit entrera au paradis, ceux qui désobéient entreront en enfer. La deuxième, en Allah la yarda an yushraka bi fi ibadati ma'ahu ahad la mukarrabun la malakun mukarrabun wa la alan nabiyun mursalun. Aywa, que Allah n'agrée pas que l'on associe qui que ce soit à son adoration, ne serait-ce qu'un ange rapproché ou un envoyé. Pour la troisième, c'est celle-là. Donc celui qui se met à aimer les koufars tombe dans un grand péché. Et que cela amène à lui ôter la foi. L'amour pour les koufars, hadha min madha nawaqid al-islam. Muzaharat al-kafirin. Le fait de les aimer, c'est-à-dire à eux, en rajoutant le fait que ce soit contre les musulmans. Le fait d'aimer un kafir, cela contredit la foi. Cela s'oppose à la foi. L'anna الإسلام والاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد أو بل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Le fait de se désavouer du shirk et de ces gens. Donc comment tu les aimes? Comment tu les aimes? Comment tu les respectes? Comment tu peux dire on a tous le droit de croire en ce qu'on veut? On dit non, t'as pas le droit. Allah t'a laissé le libre choix. Maman sha fa yu'min, maman sha fa yakfur. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Là, qui me dit quoi après ? Inna a'tadna li dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé pour les injustes un feu, voyez, dont les flammes les cernent en tout part, toute part. Donc tu ne veux pas croire, ne crois pas, mais tu en subiras les conséquences. Et le fait que Allah t'ait laissé le choix ne veut pas dire que nous on respecte ton choix. Ton choix, on ne le respecte pas. Donc à bien comprendre le verset. Le libre choix, il l'a. Mais les conséquences aussi, il va les avoir. Donc comment peux-tu respecter le choix d'une personne qui a fait le mauvais choix ? En islam, le tolérant, t'es choisir. Oui, tu choisis. Mais ton choix, après, tu l'assumes. Et t'en subiras les conséquences. Tu as le libre choix, naam. Mais à la base, t'as pas le choix. C'est islam, mécréance. Il n'y a pas un troisième. Après, la mécréance, elle est de différentes branches. C'est comme je te dis, Jannah, nar, t'as le choix. Quelqu'un te dit, je veux le nar. Tu vas dire, ouais, t'as le choix, c'est bon, je respecte. Tu respectes quelqu'un a choisi d'aller dans le feu, tu respectes son choix. C'est absurde. Bah, c'est à ça qu'ils appellent ces gens-là. Lui a choisi le feu, il respecte son choix. Je fais, non, je respecte pas. Je peux rien faire, je peux pas en empêcher. Mais je respecte pas, j'ai pas dit, ouais, il a. Je ne dis rien. Non, je vais blâmer, bien entendu, je vais blâmer. Et si tu peux le conseiller, conseille-le. Il n'accepte pas. Amrou d'Allah. Mais moi, je ne vais pas l'aimer, je ne vais pas le respecter. Lui-même ne se respecte pas, comment je dois respecter moi-même ? Donc ça revenait toujours à la partie du ta'awun, l'entraide. Donc l'entraide, à la base, n'est que pour les mu'minines entre eux, à la base. La vraie entraide légiférée, qui amène au bien, qui est sur le bir wa taqwa. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min li-mu'min, qu'elle bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. فشبك أصابعه يعني il a fait comme ça croisé entre ses bras. Vous voyez que le croyant est pour le croyant comme un édifice, il se renforce l'un l'autre, après il croise entre ses doigts, comme tu vois les doigts là ils sont ensemble, ils forment un édifice, ils sont soudés. Un hadith متفقون عليه عن أبي موسى. Donc pour revenir à cette masala de fait d'aimer les koufars également, donc nous avons dit celui qui aime les koufars s'envoie sortir de l'islam. Celui qui aime les koufars s'envoie sortir de l'islam, car cela n'est pas réalisable là-bas. Celui qui a la foi dans son cœur, il ne peut les aimer. Il ne peut les aimer. Déjà à la base, tu ne peux aimer quelqu'un qui n'aime pas ce que tu aimes. À la base. Tu aimes une chose, tu aimes des gens, tu aimes un mode de vie, lui ne l'aime pas. Tu ne veux pas t'entendre avec lui. Alors que dire au point de vue religieux ? Là, c'est même pas aimé, là, c'est tu adores Allah. Tu l'adores. Et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu l'aimes plus que tout au monde, plus que ta propre personne à la base. Tu veux aimer quelqu'un qui ne l'aime pas ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Quelqu'un demain, comme on dit souvent, laisse ta mère ou ton père. Tu vas t'énerver. Ou quelqu'un critique ta mère ou ton père. Tu vas t'énerver, tu ne vas pas accepter. Là, il insulte ou n'aime pas ton créateur, celui que tu adores. Il n'aime pas la religion que ton créateur t'a imposé de suivre pour obtenir son agrément. Et il n'aime pas cet homme qui est venu, sallallahu alayhi wa sallam, pour te démontrer la voie à suivre, pour pouvoir justement obtenir l'agrément de ton Seigneur, dont l'obéissance a été rendue obligatoire par ton Seigneur. Il ne l'aime pas. Et cet homme que ton Seigneur t'a obligé d'aimer, à la base plus que toi-même, que ton père, que ta mère, que tes enfants, que tout au monde. Tu veux aimer quelqu'un qui n'aime pas cet homme-là ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc forcément, ou tu entres dans une porte, ou tu vas sortir par l'autre. Mais entre les deux, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas rester entre les deux portes. Donc le fait d'aimer les koufars, hein, d'un amour non légiféré, te sort de l'islam. Et comme on a dit, on ne parle pas de l'amour, maintenant, naturel, que tu peux avoir pour ta mère. Le mahabbat tabi'iya, ça c'est autre chose. L'amour que tu as, l'affection que tu as pour tes proches, ça c'est autre chose. Tout le monde l'a ça en lui. Le kafir il est là, le musulman il l'a à la base. D'accord ? Ça c'est une autre branche de l'amour. Nous on parle de l'amour, l'amour légiféré, shar'i. Alazi ta'alaq bil iman, qui est lié à la foi. Et également, comment peux-tu aimer des gens que Allah qualifie comme étant les pires de la création? Oulaika musharrul bariyya. Ceux-là sont les pires de la création. Tu les aimes? Tu ne peux pas les aimer. C'est pas là ton père qui parle, qui te parle, qui te dit, ouais mon fils, ne fréquente pas un tel, ne traîne pas avec un tel. Tu peux dire, waouh, mon père il connaît pas, il sait pas qui ils sont. Puis mon père il est vieux jeu, il est ancien, il connaît pas, il est pas à la page, comme on dit. Là c'est Allah qui te le dit. Il te dit, ceux-là sont les pires de la création. Donc là, normalement, c'est automatique. Ce n'est pas, là c'est ton créateur qui te parle. Bon, allez, comme ça. C'est ton créateur qui te parle. Donc il n'y a pas de choix. Et malgré cela, des gens veulent trouver un chemin intermédiaire. Naam. Il dit quoi là des koufars? Il dit Inna allazina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nari jahannam kharidina fiha ulaika musharrub bariyya, comme nous l'avons dit. Hein? Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mushrikines sont dans le feu de l'enfer éternellement et ils sont les pires de la création. Wa qala ta'ala Inna sharra dawab inda Allah allazina kafaru fahum la yu'minun. Certes, les pires des bestiaux auprès d'Allah sont ceux qui ont mécru. D'accord? Car ils n'ont pas cru. Toi, tu les aimes. Tu t'allies à eux. Tu t'entraînes avec eux. Tu fais un débat ouvert avec eux, tu les écoutes. Non, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas réalisable. Donc voilà, cette partie-là, qui aujourd'hui c'était plus le ta'awun et le mahabba. On a kifuna, inshallah. Mafoum hada. Donc là, il faut faire très attention aux sentiments qu'on a, qu'on ressent en nous par rapport à ces gens-là. Que tu sois un converti et que ton père soit un kafir ou ta mère, ton frère ou ton ou tes amis. Que tu sois un musulman. Hein? Par rapport à ton entourage. Le kafir, il n'est pas permis de l'aimer. C'est ça qu'il faut en tirer comme conclusion du vers d'aujourd'hui. Tu ne peux l'aimer hormis l'amour naturel que tout le monde a, que même chez les animaux tu vas trouver. Une mère avec ses petits, une poule avec ses poussins, tu vas le trouver. Une lionne avec ses lionceaux, tu vas le trouver. Même les animaux les plus féroces, ils ont ça en eux. Mais après, il y a une limite. Même cet amour naturel ne t'ouvre pas les portes à faire ce que tu veux, à dire ce que tu veux avec eux. Même avec eux, il y a une limite. Même avec ta mère ou ton père, ce sont des koufars, des choses qui ne sont pas acceptables. Donc là, on parle de cet amour tabiri, naturel. Hein? Qu'il y a des choses, même dans cet amour-là, tabiri, naturel, il y a, ce n'est pas, tu es tolérant. Surtout. Parce que tes parents, des choses que tu acceptes de tes parents, qu'à la base, que tu ne pourras accepter d'autres personnes. Et qui seront permises en religion. Maintenant, ton père s'énerve sur toi, c'est moi en colère sur toi, il t'insulte, tu n'as rien à dire. Tu encaisses, tu patientes. Il te frappe, Mathalène, tu essaies si tu peux d'esquiver, mais tu ne rends pas les coups à ton père. Ce que ça veut dire, tu ne lui rends pas les coups à ton père, tu ne frappes pas. Bah demain, agis comme ça avec un étranger, il t'insulte, il te frappe dans la rue. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou il te crie dessus comme ça. Par exemple, ton père demain te dit, il crie sur toi, il dit que tu lui ramènes ses chaussons. Tu lui ramènes les chaussons. Bah maintenant, regarde alors, il dit, hé, hey, il t'appelle comme ça et tout. Mets-moi mes chaussures là, mes pieds, là, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Au minimum, il prend un mauvais regard, au minimum. Et ça, c'est vraiment parmi les gens les plus gentils. Un mauvais regard. Et avec les pires, on sait où ça peut arriver. Donc là, ton père, il te dit ça, tu dois obéir. Alors que dire, hein, d'être tolérant avec des gens qui ne sont même pas tes parents? Une umma entière de koufa, tolérant, tolérance, indulgence, alliance, cohabitation, paix. Tu dis non, ça ne va pas là. Ça va pas là. Et pourtant, ces gens-là, ils appellent à ça. Pour vivre en communauté, en société. Tu dis non. Je suis chez eux, ça me plaît pas, je m'en vais. Allah, il m'ouvre une porte, ça s'appelle la hijra. L'émigration. Je la prends, je m'en vais. Je ne reste pas avec eux. ils sont chez moi, ils ne nous plaisent pas, il y a une porte qui est ouverte, l'expulsion, ils sortent. C'est tout. Ou toi tu pars, ou ils partent. Mais cohabiter comme ça, comme eux ils veulent le faire croire, ce n'est pas possible. Tu vas tomber dans des péchés, obligatoirement. Et peut-être pire que ça encore. Tu commences par petit, moyen, pour finir par grand. Tu comprends? Donc ces gens-là, ils appellent à ça. Et tu t'étonnes pas que des gens comme ça soient des anadis, quoi. À la finale. Ils finissent hypocrites. À force d'aimer le kafir, tu deviens comme lui. À 100%. Tu vas les voir tenir des paroles dures envers les musulmans, envers le salafi, et avec le chrétien, il va être super gentil. Respectable et tout. Alors que le salafi, il le méprise. Il le rabaisse, il l'insulte, il le traite de je ne sais quoi. Par exemple, lui, là, le Ubru, en parlant des paroles de ce Rachid Abu Daifa, qui était vrai sur la musique, bien que c'est Adillah qu'on sent des singes et des porcs, enfin, je ne sais pas d'où il a pris ça, comme un hadith authentique, je ne sais pas où il a pris ça. Pour dire ça. Il a dû prendre des hadiths qui sont faibles, ou tout comme ça, je ne sais pas. Ça n'existe pas, ça. Ce... Donc, le fait que ce frère Rachid rende la musique interdite, comme Allah l'a prescrit, il a raison. L'autre, il dit qu'il faut le mettre à l'asile, celui-là. Mais toi, à la base, c'est même pas l'asile, c'est la prison, c'était pas pire que ça encore, pour tes paroles, en islam, à la base. Comme sentence de la part d'un gouverneur. Wallah a'lam. Ala kulli, nasallallahu yahfazana, wa nasallallahu salama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com.